1. Dans mon pays, les hivers sont très froids. Les températures sont très basses. Il peut faire moins 20 ou moins 30 degrés. Il y a beaucoup de neige et les nuits sont longues. Les étés sont agréables, avec des températures douces supérieures à 15 degrés. Il est agréable de faire du tourisme de mai à septembre. 2. Il fait chaud en toute saison, le climat est tropical. Il y a deux saisons, la saison des pluies, de juin à octobre, et la saison sèche. De mars à mai, les températures sont très élevées. Pour visiter mon pays, choisissez le mois de janvier. C'est parfait. 3. Dans ma région, le climat est caractérisé par le froid. En hiver, il peut faire moins 45, avec de la neige et du vent. L'été est court, mais avec de grosses chaleurs, et il pleut souvent. On ne voit pas beaucoup de touristes dans ma région. Mais les paysages sont magnifiques. 4. Chez moi, il ne pleut pas souvent. C'est un climat méditerranéen. En été, c'est la canicule. Il fait très chaud. La période idéale pour visiter mon île, c'est le printemps.